J'ai écouté jouer du téléphone tout à l'heure. Je t'entendrai bien avec mes potes. Je te l'enverrai sur Skype, c'est ça ?